Nous allons aborder le thème de la concentration. Tout au long de cet audio, je vais simplement vous demander de répéter intérieurement ce que je suis en train de dire. Vous allez petit à petit répéter mot pour mot tout ce que je vais exposer, comme si ma voix devenait votre voix et qu'à mesure que ma voix est la vôtre ou la vôtre devient la mienne, vous laissiez aller plus intensément et plus profondément tout cet état et toutes ces suggestions qui vont vous parvenir. Parce que, dès à présent, ces suggestions sont les vôtres, ou peut-être mes suggestions sont les miennes. À mesure que je continue à écouter et laisser aller mon esprit dans un état nouveau, je commence à imaginer une cible. Je vais être petit à petit le tireur de mon subconscient. Je respire profondément et je peux fermer davantage les yeux ou les laisser plus ouverts aux possibilités de s'apaiser. D'ailleurs, parfois, il vaut mieux avoir un œil sur deux fermé pour viser au mieux notre objectif. Cette cible est un peu l'objectif de votre séance, ou peut-être même, il est l'objectif d'une vie entière. Prenez quelques instants pour imaginer que vous tenez une arbalète, ou un arc, peut-être un fusil. En tout cas, vous allez pouvoir projeter toute votre attention vers le cœur de cette cible. Alors vous allez prendre un moment pour comprendre que votre esprit est comme cette cible là-bas. Cette cible attend simplement que vous décochiez votre tir. Et votre tir, c'est ce que votre conscient va orienter. Gardez en tête votre objectif, vos objectifs, parce que jour après jour, plus vos objectifs sont clairs et plus vous obtenez des résultats nets. Vous allez simplement commencer à imaginer que vous tirez sur la corde de l'arc. Comme dans les temps anciens, vous êtes le chasseur de votre concentration. Vous allez chasser celui qui va et vient, celui qui bouge dans tous les sens et qui parfois est tellement dur à retenir, celui qui vous fait tant penser et tant oublier. Vous devenez chasseur de vos idées pour en fixer une là-bas, sur cette cible. Ou peut-être même cette cible est une de ces idées qui, à cet instant, vient juste de traverser votre champ de vision, votre champ auditif, pour petit à petit vous laisser vous centrer simplement sur un mot, une phrase, une image, qui va, dans quelques instants, être fixée, fixée par cette flèche que vous tendez, et vous tendez, et plus vous tendez, plus vous vous détendez, parce qu'à cet instant-là, vous laissez partir et respirer davantage votre corps pour aller vous enfoncer à l'intérieur de vous, fixez sur cette idée, fixez que cette concentration est à l'intérieur de vous et peut-être même que les 1000 mots qui se sont laissés prendre au jeu vont petit à petit ralentir à leur rythme pour se centrer sur cette cible et ce point rouge au loin, ce point rouge au loin, ce point rouge qui devient votre seul et unique objectif. Parce que votre objectif, vous pouvez y penser. Quel est l'objectif de ma vie? Quel est l'objectif de ma journée? Quel est l'objectif, ne serait-ce que de cette matinée ou de cette soirée? Ou simplement l'objectif de ma nuit? Imaginez simplement tous les objectifs et vous vous centrez de plus en plus sur un objectif qui peut-être se démultiplie pour simplement retourner sur la cible. Parce que, comme dans la réalité, cette cible a plusieurs degrés. Et vous allez simplement vous centrer vers le degré qui vous est le plus intéressant, intéressant pour vous parce que intéressé d'arriver à vous captiver vers cette cible. D'ailleurs, les mots commencent à entourer cette cible, ou est-ce que c'est les mots de votre esprit qui sont sur cette cible, ou cette cible qui vous envoie quelques mots. D'ailleurs, ne sachant plus vraiment où vous fixez de plus en plus sur votre bras, ou peut-être ce son de la corde tendue. Est-ce que vous allez envoyer maintenant cette flèche, vous fixer sur le centre de votre objectif, et vous concentrer de mieux en mieux, comme si vous aviez chassé les pensées, et que le fait de les avoir chassées vous permet simplement de vous centrer de plus en plus, tous les jours davantage, vers cette cible, cet objectif. Quelques pensées encore parasites passent là et ici, peut-être à côté à gauche, peut-être derrière à droite, et de cette droite à gauche ou de gauche à droite, vous ne savez plus vraiment, mais vous fixez simplement devant vous votre objectif, qui est peut-être une image, un son. En tout cas, une expérience que vous souhaitez vivre, imaginez-la, vous la vivez. Imaginez-la, vous la vivez. Imaginez que vous vivez votre objectif. Imaginez que vous êtes cette cible. D'ailleurs, à mesure que vous m'écoutez, vous êtes cette flèche, ou peut-être cette cible. Peut-être que l'un et l'autre n'attendent que de se rencontrer pour fixer davantage votre concentration. D'ailleurs, est-ce que votre concentration est centrée? Est-ce que cette concentration est dans la flèche ou dans la cible? Est-ce que c'est dans vos mains ou dans votre tête? Est-ce que votre corps est relâché suffisamment pour encore descendre plus profondément dans cette concentration qui petit à petit vous met en action? Parce que concentré, vous pouvez petit à petit mieux sentir cette action qui s'émet, ou peut-être vous aimez cette action. De vous centrer jour après jour davantage, laissant filer à gauche et à droite différentes cibles pour ne vous fixer que sur cet objectif qui, à mesure que vous y pensez, devient de plus en plus clair, et plus elle devient claire, plus vous êtes fixe, concentré. N'oubliez pas de vous centrer aussi sur vous-même. Parce que l'objectif est cette cible, mais êtes-vous cette flèche? À mesure que vous avancez, vous savez que vous devenez cette flèche, donc que vous êtes capable de garder cet objectif en tête et ne jamais l'oublier, comme décocher cette flèche qui file droit vers sa cible. Êtes-vous centré? Êtes-vous le début de cette flèche ou la pointe de cette flèche? Petit à petit, vous laissez votre esprit se centrer et se concentrer tout en se détendant, et vous permettant ainsi de ressentir davantage à l'intérieur de vous le centre de vous-même. Vous êtes concentré au centre de vous-même. Cette concentration donne de l'énergie parce que la pression se dilue. Et plus la pression se dilue, et plus vous concentrez votre énergie vers vous-même, vers les actions que vous allez mener maintenant, dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, toujours centré sur votre idée. Vous savez, petit à petit, que toujours vous pourrez y arriver. Centrez-vous, aimez-vous. À cet instant-là, vous êtes encore en train de penser, est-ce que je vais décocher maintenant ou tout de suite cette flèche pour laisser partir cet objectif de plus en plus clair, et centré, toujours centré, tous les jours plus centré, vous concentrer de plus en plus, vous sentir vraiment concerné par cette concentration qui devient de plus en plus une action d'être simplement de mieux en mieux. Des actions concertées et concernées vous permettront simplement de vous concerter davantage et de vous concentrer davantage de concentration. Tous les jours un peu plus de concentration, comme si à chaque fois que vous écoutiez, ou peut-être même que vous ressentiez cette cible ou cette flèche, d'une flèche ou d'une cible devient votre action simplement de lier votre concentration à cette cible ou peut-être à cette action d'être, et votre objectif de toucher, vous touchez de plus en plus votre objectif, car jour après jour, lié et allié entre vos pensées et votre centre, car vous êtes concentré, et au centre de votre action, cette concentration devient de plus en plus claire. Vous savez que vous êtes capable, dans n'importe quel moment, d'être le tireur, cette flèche et cette cible. Le tireur, cette flèche et cette cible. Le tireur, cette flèche et cette cible. Parce que vous êtes tout, et vous vous centrez vers le centre de cette cible, de votre objectif, qui, tous les jours, évolue davantage. Parce que vous tirez et décochez de plus en plus cette flèche qui va venir se planter au cœur de cette cible. Parce que vous êtes centré, centré sur ce que je dis, mais centré sur vos pensées, votre corps et tout ce qui est en train, pour l'instant, de vous échapper, est en train simplement de passer parce que vous pensez simplement à passer l'état d'esprit vers ce centre, et vous êtes centré pour réussir à ce que le passé ne devienne pas votre présent, parce que, à ces instants, le futur est déjà parti. Alors, laissez partir cette flèche, et ressentez petit à petit cette flèche décochée. Et couchez-vous tranquillement avec cette sérénité de savoir que la nuit va simplement vous entraîner dans un monde de sérénité. Décochez simplement cette flèche, sachant que vous êtes centré sur un objectif ciblé, et cette cible devient votre objectif. Votre objectif est peut-être déjà créé, déjà monté, déjà atteint, sans même que vous en rendiez compte, parce que vous avez déjà filé telle seule flèche vers cette cible. Êtes-vous un archer? Êtes-vous cette flèche? Êtes-vous cette cible? Peut-être vous allez marcher, récupérer cette flèche pour à nouveau cibler d'autres objectifs, parce que vous êtes centré, de plus en plus concentré, et vous prenez plaisir à vous centrer vers vous, vers cette concentration. Jour après jour, vous laissez cette concentration devenir de plus en plus présente dans votre corps. Comme si là, maintenant, vous décochiez cette flèche et vous sentiez que vous étiez à la pointe de cette flèche pour arriver, vous, percuter à votre objectif. Vous pouvez permuter cette flèche et cette cible, ou cette cible et cette flèche. Qu'importe, vous êtes l'archer qui va récupérer cette cible et cette flèche, parce que vous êtes centré vers vous-même. Vous êtes centré vers vos objectifs et concentré, de plus en plus concentré, jour après jour. La concentration devient tellement une action que vous savez que vous vous centrez de plus en plus, vous vous centrez. Vous êtes de plus en plus concentré, vous vous sentez de mieux en mieux. Concentré pour des objectifs clairs, cette cible. Cette cible que vous êtes fixée. Maintenant, vous fixez quelques objectifs, quelques cibles à atteindre. Et soyez juste, complètement bien et complètement figé. Parce que dans quelques instants, vous allez à nouveau tirer. Tirer simplement avec plaisir pour obtenir cette cible et ce cœur. Parce qu'avec le cœur, il faut commencer à se fixer, se figer. Se figer, un cœur qui se fige, et peut-être même vous ressentez à l'intérieur de vous mille et une forces. Vous figez, votre centre est figé, et vous vous rendez compte que là, vos pensées sont également figées. Est-ce que vos pensées sont figées ou vous êtes encore en train de voguer ? Avancer, je pense peut-être même que vous pouvez même filer vers cette cible, parce que d'une manière ou d'une autre, que vous pensiez ou que vous ne pensiez pas, vous allez vers votre objectif de plus en plus clairement, parce que vous êtes centré. Vous êtes centré, comme votre regard figé vers cette cible, que vous savez que vous allez atteindre, parce que vous êtes prêt à décocher votre flèche d'action, est de plus en plus déterminée. Alors, respirez profondément et simplement maintenant. Pensez à un objectif que vous voulez absolument atteindre dans la journée. Peut-être même un objectif plus long que vous voulez atteindre dans l'année. Simplement, sachez que vous êtes capable de vous centrer, de vous concentrer, ne serait-ce que pour apprendre un moment, un instant, ne serait-ce que pour vivre une émotion pleinement, parce que vous êtes capable d'être ici et maintenant. Prenez plaisir à ces instants. Ils vous appartiennent et vous savez qu'à chaque fois que vous le désirez, vous êtes capable de cibler un instant, un moment, pour penser à vous, juste à vous, et savoir que vous avez chassé complètement vos pensées, vous êtes capable désormais de savoir cibler à n'importe quel moment tout ce qui est bon pour vous. Pensez à vous, relaxez-vous encore davantage. Laissez-vous filer et voguer sur les océans, tout en fixant et en concentrant votre être vraiment. Prenez plaisir à ce que votre subconscient vous envoie maintenant. Quel objectif? Quel objectif vient d'apparaître devant vous? Faites-lui confiance, vous êtes capable dès à présent de l'atteindre. Vous allez vous rendre compte que jour après jour, votre concentration sera de plus en plus présente, comme si la nuit, c'était mille fois que cette flèche touche la cible et que vous sentiez à l'intérieur de vous cet apaisement de pouvoir vous centrer, vous cibler, vous concentrer, vous sentir complètement bien. Alors, respirez. Vous êtes extraordinaire. Vous vous centrez de mieux en mieux Et en quelques minutes, vous avez réussi à devenir l'archer de votre vie. Vous êtes également devenu cette flèche d'action qui vous permet de créer des réactions dans votre vie, amener l'attraction. Vous êtes cette cible qui vous permet de focuser toutes vos pensées, vous êtes de plus en plus apaisé. Prenez quelques temps, quelques instants pour vous remercier et ciblez simplement le fait de vous remercier. Merci à toi d'avoir pu tirer et décocher cette flèche vers cet objectif ciblé, se concentrer et avoir cette facilité de plus en plus à se concentrer jour après jour, minute après minute. Je me concentre de mieux en mieux. Et comme tu as répété pendant toute cette session les mots et les suggestions que tu as pu petit à petit assimiler et accepter, tu te rends compte maintenant que tu as accepté de te concentrer et que ça se fait avec grande facilité. Quel plaisir de se concentrer, ou en tout cas de se centrer, peut-être même de cibler ses pensées et de réussir à axer son objectif de vie. Prenez plaisir et respirez. Cet instant est à vous et vous pouvez à n'importe quel moment y retourner. Prenez simplement quelques minutes par jour pour vous centrer et vous cibler. Sachez que quand vous avez des choses à faire, vous pouvez, sans le moindre problème, axer votre esprit dessus comme cette cible au loin que vous avez touchée. Prenez du plaisir pour vous. Pensez que vous êtes lié à vos cibles, à vos objectifs, comme vous êtes lié aux êtres qui vous sont chers. Prenez un instant pour vous, respirez complètement et à 5, vous allez simplement ranger votre arc et vos flèches pour être prêt demain ou dans quelques heures à nouveau cibler un objectif qui vous fait du bien et vous apportera des bénéfices quotidiens et extraordinaires. À 5, nous allons revenir dans l'ici et maintenant et vous pourrez continuer à vivre avec cette idée que vous êtes capable de vous concentrer de plus en plus, de cibler votre esprit et de décocher ces flèches d'action pour que toutes vos journées soient satisfaction. 1. Vous rangez votre arc avec tranquillité. 2. Vous rangez vos flèches juste à côté. 3. Vous respirez, prenez vraiment un grand plaisir d'exister. 4. Vous allez bouger un petit peu de la tête aux pieds. 5. Vous n'avez pas rêvé, vous êtes capable de vous concentrer.